France Inter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. La ville de Niort est située au sud-ouest du département des Deux-Sèvres, sur les rives de la Sèvre niortaise, aujourd'hui aménagée en coulée verte, en bordure des marais mouillés. La ville est l'une des cités majeures du Poitou historique. Et Niort est également un centre commercial et logistique important, à la croisée des autoroutes A10 et A83. Alors, où allons-nous aujourd'hui, Philippe ? À Niort. Et avec qui ? Avec Suzelle. Bonjour Margaret, bonjour Philippe. Oui, docteur. Bonjour Suzelle. Alors, en quoi peut-on vous aider ? Voilà, je travaille pour une association humanitaire. Comment ? Allez-y, c'est bon. Oui, je travaille pour Action contre la faim. Médecins du Monde, Croix-Rouge, SOS Médecins. Pardon, c'est pour le CSA. Oui, enfin, SOS Médecins, c'est pas l'humanitaire. Vous savez, madame, et là c'est le médecin qui vous le dit, c'est pas parce qu'il y a dépassement d'honoraires qu'il n'y a pas d'humanité. Non, l'humanitaire c'est à but non lucratif. Oui, mais ça dépend pour qui. Ah non, personne ne fait de profit. Enfin, les salariés, ils sont payés. Bah oui, ils travaillent. Il faut bien faire fonctionner les structures et ça ne représente que 3,4% des dons. Ouais. Bah, et pourquoi ils ne le font pas bénévolement alors, puisque c'est si de l'humanitaire que ça? C'est l'association qui est à but non lucratif, il n'y a pas de bénéfice, c'est pas fait pour s'enrichir. Ah bah... Excusez-moi, mais quand vous recevez votre bulletin de paie, vous êtes quand même plus riche après qu'avant, grâce à nos dons. Que je tiens à préciser, nous ne revoyons jamais. Bah oui, c'est pas fait pour être récupéré. Ah bah oui, mais ça c'est avec le temps qu'on s'en aperçoit, parce que c'est pas clair dès le départ. Alors qu'on peut défiscaliser, ça c'est écrit partout, hein, mais qu'on récupère jamais son capital, il faut le deviner. Ouais, et on se retrouve gros gens comme devant, comme disent nos ados. Alors on trouve ça super sympa ce que vous faites hein, pour tous ces... ces gens, hein, finalement. Mais il faudrait qu'il y ait moins de zones d'ombre dans ces associations, c'est trop opaque. Non, c'est très limpide. D'ailleurs, les comptes sont publiés tous les ans et accessibles à tous. C'est pas opaque. Hein. Mmh. On transforme l'argent en ration de nourriture, en outil d'assainissement des eaux. Ouais. Vous savez, Suzelle, quand je donne les vieilles chemises de Philippe à la collecte de vêtements, c'est très concret. C'est pas comme si j'avais envoyé un chèque. Et puis ça fait tellement plaisir de se dire que quelque part en France, et ça c'est important aussi, il y aura un pauvre qui aura la chance de porter une chemise Pierre Clarence. On n'est pas du tout dans les mêmes problématiques, parce que là, c'est de la survie de millions de personnes dont on parle, qui n'ont pas d'eau, pas de nourriture, qui font face à des épidémies monstrueuses. Hein, vous avez idée des conditions de survie extrêmes de ces gens-là, au Burkina Faso, ou en Guinée-Bissau. Oui, mais enfin, excusez-moi, mais là, vous prenez pile les exemples les pires pour justifier vos actions, madame. Bah oui, c'est vrai qu'on peut toujours voir le verre à moitié vide aussi. Hein. Alors, je me pose une question, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais je pense qu'ils sont tellement nombreux à aller mal dans ces pays qu'il vaut mieux sauver 100 personnes en France que 100 personnes là-bas, parce que proportionnellement, c'est beaucoup plus efficace. Ah bah là, c'est sûr que votre truc, Suzelle, c'est un petit peu une goutte d'eau dans le Sahel, hein. Non ? Ça veut dire. Oui, bah, pour vous, ça ne sert à rien de s'en occuper, en fait. Bah, c'est comme quand on donne de l'argent à un clochard. Ça sert à rien, il va s'acheter de l'alcool avec. Il faut qu'ils apprennent eux-mêmes à se sortir du pétrin. Oui, mais vous culpabilisez hein, de notre passé colonial. On n'est plus chez nous là-bas, on a besoin de vous ici. Vous savez, pas besoin de partir aussi loin. Ils sont pas mal aussi, nos petits villages de France. Alors, sur le terrain, il y a énormément de populations locales qui travaillent pour eux. Et on les aide sur les techniques de culture. Et notre but est de les rendre autonomes. Hein. Ça marche, même si c'est dur. La goutte d'eau dans le Sahel, elle représente quand même 1 890 000 personnes qui ont bénéficié d'un accès à l'eau grâce à nos programmes. C'est une grosse, grosse goutte. Hein. Oui, grâce aux donateurs. Oui, bien sûr, quand je dis « nous », c'est tous les gens qui s'engagent dans ce combat. Oui, non, mais c'est bien de le préciser. Alors, il y a quand même une petite chose qui me chiffonne. J'entends « grâce à », j'entends « donner », j'entends « il faut ». Et j'ai la sensation, arrêtez-moi si je dis une bêtise, que tout est fait pour culpabiliser en permanence le petit contribuable qui souffre, hein, lui aussi, qui paye, qui travaille, qui fait marcher son pays, mais à qui on rappelle en permanence qu'il ne met pas assez la main à la poche et que, honte à lui, s'il n'est pas désespéré du matin au soir devant les malheurs du monde dont il n'est pas responsable. Non mais on ne culpabilise personne, c'est la conscience de chacun. Voilà, elle continue, c'est la conscience, voilà. C'est pas parce qu'on n'est pas responsable de quelque chose qu'on ne doit pas s'en occuper. Oui, alors là madame, pardon, mais ça tombe mal, je suis médecin, ma femme est psycho machin. On passe nos journées à s'occuper de choses dont on n'est pas responsable. D'ailleurs, à propos, qu'est-ce qui vous amène, ma chère Suzelle, parce que c'est une émission médicale quand même. Alors, palu, dysenterie, amibe. Non, ça je connais bien, j'ai tout ce qu'il faut. Je voulais juste savoir s'il fallait que je prenne des précautions particulières parce que j'ai une fin d'otite et je reprends l'avion demain. Quel rapport? Vous partez pas faire de la plongée avec nos sous quand même? Non, mais en montée ou en descente, est-ce que je ne risque pas d'avoir très mal au tympan? Pourquoi? Par rapport à la pressurisation. Ah, non, oui. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Voilà. Voyez, on vous aide, on vous rassure et c'est gratuit. Voilà, merci Suzelle. Ah oui, attends, sinon j'ai une petite histoire pile pour vous. Alors, un peu limite, mais bon. Alors, il y a un noir assis sur une grosse pomme de terre. Quel est son prénom? Je ne sais pas. Je la connais. Moi, bon, je le dis alors. C'est bête. Il s'appelle Jean. Pourquoi? Parce que... J'en ai gros sur la patate. Oh, ben ça va. C'est pour rire. Hein. Suzelle, c'est pas méchant. Suzelle. Bon, au revoir, merci. Ben voilà, un peu plus rigolo. En plus, ça a été pile pour elle, cette histoire. Elle a mal pris, je suis sûr. Bah oui, en fait, tu sais, dans l'humanitaire, ils sont pas spécialement connus pour leur sens de l'humour. Ouais. Je rappelle à tous les donateurs, d'ailleurs, que comme l'a dit René Carbonneau dans Le Destin de Frère Thomas, eh bien que la générosité ne tient pas toujours lieu de solution. Et je rappelle à nos chers auditeurs que quitte à se séparer de quelques milliers d'euros, eh bien préférer les actions autoroute Paris-Rhin-Rhône qui, suite à l'augmentation des péages, devraient annoncer de bons résultats et vous garantir un excellent retour sur investissement. Merci pour ces précieux conseils, Philippe. Merci Yann Chouquet pour cette mise en onde. Merci à vous tous. Bon dividende à vous. À bientôt. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr.